Chapitre 41e, le crin de Florence. Paul Imbroquet fit un signe à ses hommes. Ils soulevèrent Fungetti et l'obligèrent à suivre le détective qui, avec le juge d'instruction M. Urbain et M. Baumier, chef de la sûreté, allait perquisitionner chez lui. Au cours de ces perquisitions, à vrai dire, les magistrats ne découvrirent rien d'intéressant. Quelques banales lettres de femmes, d'amis, rien qui pût leur être de quelque utilité, des programmes, des prospectus de cirque, des photographies de Fungetti, de ses camarades, de chevaux, tout enfin, tout ce qu'on pouvait trouver chez un homme de la profession du clown. M. Paul Imbroquet, cependant, au fond d'un tiroir plein de linge, dénicha une cassette en fer damasquiné, un travail florentin ou espagnol des plus artistiques. « Pas ça, pas ça !» cria Fungetti. « Non, n'ouvrez pas, ne touchez pas, vous n'avez pas le droit !» Dire cela, c'était au contraire inciter plus fortement Paul Imbroquet à ouvrir la cassette. « D'ailleurs, dit le clown, vous ne pourrez pas ouvrir. Il n'y a ni clé ni serrure, et jamais je ne vous dirai le secret. » Paul Imbroquet se mit à sourire. Il souleva la cassette dans ses mains, l'examina plus attentivement, puis il pressa sur un des motifs de damasquinage, et comme par enchantement, le couvercle de la cassette s'ouvrit en produisant un léger bruit de déclic d'acier. « Oh, c'est lâche !» cria Fungi. « C'est infâme !»« En touchant à ces choses sacrées pour moi, à ces reliques, vos mains maudites commettent le plus odieux des sacrilèges !» Paul Imbroquet n'en était plus à s'inquiéter de ces imprécations. Et sans aucun scrupule, il regarda ce que contenait cette cassette. Elle renfermait des rubans de cheveux, de corsage, des gants de femme, un mouchoir de dentelle, quelques fleurs sèches, un bâton de rouge à lèvres, une voilette, puis des photographies. Ces photographies, dont beaucoup étaient des souvenirs d'amateurs, semblaient déjà anciennes. Quelques-unes commençaient à s'effacer. Cependant, on y retrouvait aisément les traits de Fungetti en gentleman, avec lui une femme. D'autres portraits représentaient cette même femme, mais seule. Cette femme était extrêmement belle. On la devinait ici très brune. Les photos, pour la plupart, portaient une dédicace. Elles étaient toutes adressées à « James, my dear James, to my love, love ». L'une d'elles gardait, écrit de la main de Fungetti, ces mots « Demi David à la fleur de ma vie ». Et Paul Imbroquet put voir que cette femme, alors si brune, était la belle femme dont les cheveux aujourd'hui étaient teints en roux. La femme rousse de la place Clichy, l'Amazone du bois, la rivale à jamais marquée de Miss Hedon. Depuis que Paul Imbroquet fouillait dans cette cassette, Fungetti, constatant l'accomplissement de ce qui lui semblait être un sacrilège qu'il n'avait pu empêcher de commettre, Fungetti, maintenant navré, désolé, ne disait plus rien. Il suivait cette profanation de souvenirs chers. Il voyait cette sorte d'exhumation d'un passé douloureux et la mise au jour de ce qui restait d'une partie de sa vie. Et ses yeux étaient pleins de larmes et son cœur gonflé de chagrin souffrait horriblement. Quand Paul Imbroquet referma le coffret, il sembla au malheureux qu'on scellait la tombe où son amour reposait. Et lorsque cette cassette alla, pièce banale et numérotée, se perdre avec les autres pièces à conviction, il éprouva la pénible sensation de toucher vraiment à la fin de sa personnalité, de lui-même, à l'anéantissement de tout ce qui en lui avait vibré, avait aimé, vécu, pleuré. « Maintenant, dit-il, c'est fini. Fini de moi, fini de tout. Je ne suis plus rien qu'une locumène. Je ne m'appartiens plus. Je suis à la merci de ces hommes, sous le coup du destin. » Paul Imbroquet ne se souciait plus de l'état d'âme de son prisonnier. Il poursuivait ardemment ses recherches. Le détective voulait surtout découvrir ce que Fungetti avait mis dans son plat de macaroni pour le rendre mortel. Il cherchait un paquet de poudre néfaste, un flacon de poison, mais il ne trouvait rien. Chez Fungetti, il ne récolta que des bouteilles contenant du liquide facilement vérifié et reconnu inoffensif. Mais pas de poison, pas de poudre douteuse. Dans un tiroir, Paul Imbroquet découvrit, bien enveloppé dans un papier de soie, plusieurs mèches de ce crin qu'emploient les pêcheurs à la ligne du crin de Florence. Ce crin, comme on sait, est fabriqué avec le gros intestin des vers à soie. Il est transparent comme un fil de verre et d'une solidité extraordinaire. Il se vend en petits paquets, longs de 20 à 30 cm à peu près, serrés aux deux bouts par une ligature de soie rouge. La présence de ces paquets de crin de Florence chez Fungetti étonna Paul Imbroquet. « Vous êtes donc pêcheur à la ligne ?» demanda-t-il au clown. Fungetti, plongé dans sa douleur, à cette question parut tout à coup se réveiller et se reconquérir. « Parbleu, oui, je suis pêcheur. Les poissons que j'ai attrapés sont vraiment extraordinaires. J'ai fait une pêche miraculeuse. » Il ne souffla depuis ce moment plus un mot. La perquisition alors se poursuivit silencieusement, jusqu'au moment où Paulin Broquet, subitement indisposé, demanda au magistrat de l'interrompre et de faire emmener Fungetti. À Boulogne, non loin de la grille en fer forgé de la villa de Missiden, une auto depuis longtemps stationnait. Dans cette auto, Flore, la belle Flore, la tête enveloppée de bandes de pansements, guettait. Fungetti lui avait dit « Tu vas suivre pas à pas Missiden sans la perdre de vue. Attends 2 ou 3 heures seulement. Quand tu entendras des appels déchirants, des cris de douleur, dis-toi que ta vengeance commence. Alors tu pourras te réjouir. Ton ennemi marchera à la mort que rien au monde n'a le pouvoir d'enrayer, à la mort la plus épouvantable qui soit. » La belle Flore, avec confiance, mais aussi avec une grande impatience, attendait. Mais le temps lui paraissait long, long, infini. Depuis que dans l'auto qui la ramenait à présent, elle avait vu pénétrer dans la villa mystérieuse Missiden et son camarade Genio, 1 heure était passée, puis 2 heures, puis 3. 4 heures s'écoulèrent, sans qu'aucun cri sortît de la maison, sans que de la villa partît l'appel de souffrance, sans que rien vint indiquer à celle qui attendait que son atroce espoir se réalisait enfin. Puis, vers 5 heures, la porte en fer forgé tourna sur ses gonds. L'auto de Missiden sortit. Flore, anxieuse, angoissée, vivement se pencha hors de sa voiture pour voir qui s'en allait. Dans le fond, elle aperçut, tranquillement assis, calme et paisible, le régisseur du cirque, Eugenio, qui avait accompagné Missiden. La belle Flore ressentit au cœur un coup terrible. « Est-ce que James m'aurait trompée ?» se dit-elle. « Il m'avait donné la vengeance comme certaine. Ou bien alors le coup est manqué ?» Et quoique James m'ait affirmé que rien au monde ne pourrait enrayer les effets de son poison, Missiden possédait l'antidote. Maintenant inquiète, nerveuse, jugeant qu'il était tout à fait inutile d'attendre plus longtemps ici, elle donna à son chauffeur l'ordre de rentrer à Paris et de la conduire chez le clown. Elle voulait le mettre au courant de ce qui s'était passé et en même temps lui demander une explication. Nerveuse, furieuse, elle se minait d'impatience. À son gré, sa voiture n'allait pas assez vite. Elle eût voulu non pas seulement rouler, mais glisser, voler, écraser les passants. Elle arriva enfin dans la rue où se trouvait la maison qu'habitait Fungetti. Par la portière, elle regarda, et tout à coup elle éprouva une commotion formidable et ressentit au cœur un choc. La rue était pleine de monde. Devant la porte de Fungetti, s'amassaient, parlant, gesticulant et faisant sans récit, 1000 commentaires de l'événement, cette foule parisienne, qui semble sortir du pavé dès que quelque incident se produit. Le chauffeur de la belle Flore eut beau corner, la foule ne lui fit pas pour cela plus facilement passage. Nerveuse, anxieuse, Flore, penchée à la portière, demanda « Mais pourquoi tout ce monde? Qu'est-ce qu'il y a donc ?» Une dizaine de gens, heureux de parler encore une fois avec un nouveau venu de cet événement, lui répondirent à la fois « On vient d'arrêter le clown Fungetti. » Flore eut un haut-le-corps, sa poitrine oppressée manqua de souffle. Il lui sembla que la ville abandonnait. Elle n'eut pas la force de prononcer une parole pour demander de nouveaux détails. Chacun d'ailleurs, à qui le plus, le mieux, s'empressait de lui en fournir de vrais, d'authentiques, d'autres qui l'étaient moins, et beaucoup qui ne l'étaient pas du tout. Ces derniers, plus abondants et naturellement exprimés avec le plus de sincérité, de conviction. De tout cela, Flore ne retint qu'une chose. Fungetti a été arrêté par Paulin Broquet. Alors, oubliant toute prudence, abandonnant toute raison, la belle Flore poussa un cri de rage, et elle alla donner l'ordre à son chauffeur de revenir en arrière, de s'éloigner de cette rue, de filer. Il lui semblait maintenant sentir planer aussi sur elle la main de ce terrible Paulin Broquet.